monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. On ira au paradis si Dieu veut. On ira au paradis si Dieu veut. Il m'en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. Il m'en faut peu pour être heureux. On ira parler des balais de ce qui nous aime cousin. Il en faut peu pour être heureux, là-bas c'est tous pour un. On ira changer les mondes sans s'ouvrir à la mode. J'arrive à enchaîner les mots, faire voyager les mondes. On ira changer les hommes, traverser l'horizon. Jamais dans l'intendance ou à la crête à raison. On ira forcer main, chercher la victoire. En cas de perte, pas grave, on a la même victoire. On ira porter des palettes, se refaire un palais. Peur de ma planète, non pas d'un pistolet. Casser le mur, on ne veut plus de frontières. Et oui, passer les mots, il y a un travail de faire. On ira se lever loin, stopper la montre. On parle de tout, non, non, pas tous les morts à Mayotte. On ira changer si, voter ça. Microtest indé, on a nos initiales. On ira au paradis si Dieu veut. On ira au paradis si Dieu veut. Il m'en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. Il m'en faut peu pour être heureux. Pour être ouais, on ira donner le mic, allume-le dès maintenant, limite ma voix et comment les commandants qui nous mentent. On ira voyager, le monde est à nous, demande à Tagma, oui, de la haine à l'amour. On ira vivre sans sous, on est heureux sans ça. On sera capitaine avec ou sans brassard. On ira passer le mot, décortiquer les thèmes. Tu pourras vivre seul, mais t'auras besoin d'aide. On ira faire un geste, ouais, ouais, ouais. On ira prendre la route, ouais, ouais, ouais. On ira faire un break, la, la, la. Oui, donner la force pour ceux qui t'écoutent. On ira au paradis si Dieu veut. On ira au paradis si Dieu veut. Il m'en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. Il m'en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain.